ne savions pas, en fixant la date de cette petite causerie, il y a donc de longs mois déjà, avec Dick, que le hasard nous donnerait un petit coup de pouce, ou plus exactement, nous adresserait un clin d'œil. Du Rebecca, rue des Rosiers, page 81. Avec des gestes arrondis, de loufia blanchie sous le rond... Ah non, pardon, c'est déjà pas le bon endroit où je dois connaître. Je prends le mauvais bouquin. Du Rebecca rue des Rosiers, c'est celui-ci. Stop, Nestor, et marche un peu. Nestor Burma marche beaucoup. Puisque tu prétends que marcher te clarifie les idées, c'est le moment d'appliquer ta méthode. Je range ma voiture le long de la bibliothèque de l'Arsenal et me dirige à pied vers le fleuve. Il tombe un petit crachin assez vif, mais supportable, chargé d'une promesse de printemps d'ailleurs. Il n'est pas loin le printemps, un peu plus d'un mois. Un peu avant son arrivée, le 7 mars, j'entamerai une autre année. C'est peut-être mon cadeau d'anniversaire que j'ai reçu aujourd'hui par anticipation. Et quel cadeau ? Quel cadeau ? Je ne vous le dis pas, lisez la suite, donc c'est du Rebecca rue des Rosiers. Mais donc, bon anniversaire Nestor, que nous nous permettrons de saluer ici, en ce jour, en ce 7 mars, coïncidence nouvelle, comme un vieil ami. Un vieil ami sur qui on a pu compter aux heures tapies et solitaires de l'adolescence, auprès de qui on se réfugie tous les 3 ou 5 ans quand une bonne grippe nous tient au lit pour 15 jours, et que l'on retrouve avec plaisir bien des années après au coin d'un hasard, au détour d'une conférence légèrement improbable. Car non. Un peu ami peut-être, mais je ne suis pas un spécialiste de Burma, et moins encore un grand connaisseur de Léo Malès, son auteur. Pour preuve, ce n'est qu'après d'élémentaires, donc très longues recherches, bien plus longues que ce que des lectures de hasard peuvent nous mettre sous la dent, que je découvre le poteau rose. Léo Malais aussi est né le 7 mars. Le 7 mars 1909, à Montpellier. Joie, frémissement, tous ici réunis, nous sentons bien que notre enquête déjà avance à grands pas. Malais et Burma, l'auteur et le personnage ne feraient donc qu'un. Ce serait trop beau, trop simple et surtout ce serait trop court. Et pourtant, on le verra, on tient peut-être déjà là le bon bout. Plus facile, disais-je, de s'identifier comme un ami ou comme un amateur que comme un spécialiste. À moins, peut-être, une espèce de modeste dosage des deux. Il ne faut en tout cas pas grand-chose pour s'en sentir intime, familier, du personnage et de son univers. Qui trouvons-nous finalement ? Qu'aimons-nous y retrouver ? Ce qui fait le charme de tout bon polar, un mélange de prévu et d'imprévu, ou même d'invraisemblable. Le dépaysement qui secoue et le confort du fauteuil aux habitudes. Le tout saupoudré ici d'une généreuse portion de nostalgie. Dans un coin de ma mémoire et de ma bibliothèque, je pars à la recherche d'un passage où le critique littéraire et cinématographique Raymond Bellour disait qu'il avait trouvé dans le western tout ce que l'on pouvait chercher jadis dans la mythologie. Des histoires, des archétypes, des valeurs et des héros. Un mélange d'inconnus et de familiers, de questions et de réponses, de répétitions et de variations. Je ne retrouve pas ce passage, je tombe en revanche sur celui-ci, que je vais vous lire, qui s'applique au départ, sous la plume de Bellour, au film de cow-boy, mais que je transpose sans honte au roman à énigmes, et donc je cite Bellour. Immédiate et violemment sensible, la séduction qu'exerce le polar tient à la richesse inouïe de sa matière, à l'infini de sa diversité dans le monde fermé de la répétition, qui donne à chacun le sentiment fascinant d'une reprise et d'un étonnement perpétuel. Chaque œuvre singulière se présente comme interprétation d'une origine et d'une histoire. Le roman policier constitue tout seul la série des interprétations qu'un art, la littérature française ici, si je continue de transposer Bellour, donne de son propre récit, local et national, de sa propre nature, de ses exigences face à la tradition qui le porte. De là vient que devant tout bon polar, signe vivant d'une double interprétation plus ou moins manifeste, on ait ce sentiment d'une jubilation particulière, celle propre à tout objet auquel on s'abandonne, car aussitôt on en devine les contours, les formes, l'essentiel et jusqu'à la nature du plaisir dispensé. Et pourtant, par un retournement subtil et déchirant, on se trouve étonné souvent, parfois bouleversé comme si tout à coup, on n'en avait jamais rien su. Fin de la citation de Bellour, que je chipote, que je transforme et que j'adapte évidemment à mon sujet. Ces retrouvailles et cet inépuisable étonnement cette complète c'est mieux pour vous ? Vous êtes plus nombreux que moi, donc on va faire comme ça. Ces retrouvailles et cet inépuisable étonnement, cette complète mais mélancolique satisfaction, cette rassurante familiarité, je les retrouve le plus pleinement dans mes petites mythologies à moi, qui ne sont pas celles du western, mais le monde de Franquin, d'une part, côté Gaston Lagaffe ou côté Spirou et Fantasio, indistinctement, chez Franquin, je prends tout. Et d'autre part, dans les Nestor Burma de Léo Mallet, ceux des nouveaux mystères de Paris. Je n'ai pas essayé de les trouver dans la Bible, mais je me suis laissé dire que ça avait un peu mal vieilli. Il semble même que certains trouvent ce même type de réconfort et d'apaisement dans le catalogue Ikea, chacun son truc. Petite biographie. Né en 1909 à Montpellier, donc, Léo Mallet est autodidacte. Il débute dans la vie artistique, avec beaucoup de guillemets, à Montmartre, au cabaret de la Vache enragée. 25 décembre 1925, le cinéma a alors 30 ans, presque jour pour jour. Léo Mallet, à peine 16. Il est le plus jeune chansonnier de la butte. Il sera ensuite, tour à tour et tout à trac, employé de bureau, manœuvre, vagabond, journaliste occasionnel. Il collabore à L'En Dehors, à L'Insurgé, au Journal de l'Homme aux Sandales, à la revue Anarchiste, toute revue d'orientation anarchiste. Il sera aussi nègre d'un maître chanteur analphabète, gérant de magasins de mode, figurant de cinéma, crieur de journaux, emballeur chez Hachette, etc., etc. J'en passe. On le voit, du glorieux et du moins glorieux, mais du romanesque aussi, déjà sûrement. Poète, Mallet a appartenu au groupe surréaliste de 1930 à 1940. En 1942, il fait dans le roman policier en publiant 120 rue de la Gare. Ici, m'as-tu vu en cadavre dans le... sous la couverture illustrée par Tardy, mais on reparlera plus tard des liens entre Léo Mallet et Tardy, évidemment. 1942, dans le roman policier, une entrée fracassante, ce que d'aucuns critiques en tout cas appelleront une irruption, apportant un ton nouveau dans ce genre littéraire. En 1948, il est le premier lauréat du Grand Prix de littérature policière, et en 1958, le Grand Prix de l'humour noir couronne sa série des Nouveaux Mystères de Paris, série dans laquelle, je cite Albert Cigaud, il met en scène les secrets de la ville en même temps que les secrets des personnages. Le héros central de Léo Mallet, que vous reconnaissez déjà ici à l'arrière-plan, dans l'adaptation un peu bourrue, un peu profil de boxeur hein, qu'en a donné Tardy, héros central des romans de Mallet, et je me base ici sur la présentation signée par Léo Mallet lui-même, c'est donc Nestor Burma, détective de choc, détective privé qui, le dit lui-même, met le mystère knock-out. Personnage peu habituel dans le polar français, pas conformiste, individualiste, forcené, dans un monde qui s'uniformise, qui se standardise, qui se modernise. Un enquêteur privé, en général démuni de finances, il écrit finances avec PHY, comme Jarry, qui part le matin, ou plus souvent le soir, à la recherche de sa subsistance quotidienne dans la jungle de la grande ville. Spécialisé dans la découverte de cadavres, plus ou moins parvenu à maturation, en général encore frais, assez régulier, Burma arrive le plus souvent juste trop tard. Des Maccabées, il en trouverait, il le dit lui-même, dans une blague à tabac, celle-là même dont il bourre ses pipes coutumières. Il collectionne aussi les coups de matraque sur la tête, ce qui semble lui stimuler les neurones, mais là aussi souvent un rien trop tard. Burma n'est pas James Bond, occupé dans le feu de l'action à sauver le monde à main nue. Une décantation est nécessaire, et si parfois il parvient à éviter le pire, jamais il n'arrive à enrayer complètement les trop lourdes mécaniques du destin, les rouages cachés. Et là on retrouve peut-être un petit peu la comptine du cœur antique, cette mécanique de la mythologie grecque dont il était question tout à l'heure. Sensible au charme féminin, il a son bureau rue des Petits Champs, qui, dit-il, est parmi celles où on rencontre le plus de jolies filles à Paris. On a dit de lui que bohème, cynique, jovial, canaille, sentimental à la fois, c'est un dur au cœur tendre, employant une langue savoureuse pour raconter ses tribulations. Une langue savoureuse. Et ce point est évidemment essentiel. Un monde ne tient pas sans une langue. Ce qui, en un sens, est à la fois plus et moins qu'un style. Paris et ses charmes, les filles et leurs charmes, le mystère et ses crimes, Burma et sa pipe. On se dit qu'il n'en faut pas plus. Or justement, si. Il y faut de la légende, du mythe, de la patine, et surtout, ce langage, sans quoi il n'est jamais de lien, d'attachement durable qui puisse tenir. Derrière un langage, des images, on en verra quelques-unes, de l'imaginaire, des adaptations, parfois des inadaptations aussi, au cinéma, à la télé, en bande dessinée, à trier. Et tout le fatras des indices qui nous font renifler l'énigme et retrouver par-dessous un Paris vibrant, faussement immémorial. De pont en arrondissement, de coin en recoin, le Paris des nouveaux mystères, Paris de Malais et de Burma, on y aura passé, sans le savoir, peut-être bien les plus belles années de notre vie. Et son argot, bien dosé, argot à la fois raffiné et populo, pas poseur, mais vif, précis, sera insidieusement devenu un peu, beaucoup, un peu trop peut-être, notre façon de penser. Quelques illustrations dans la foulée des adaptations de Tardy, une étude de Jean-François Douvry sur les liens justement entre 120 rue de la Gare, le roman et la BD de Tardy. Si je me souviens bien, le premier à avoir été adapté par Tardy, c'était Brouillard au pont de Tolbiac, qui était le plus autobiographique des romans de Malais, on y reviendra. Casse-pipe à la Nation, on aura un petit extrait tout à l'heure. De nouveau, quelques couvertures de Tardy qui sont devenues un petit peu l'image derrière laquelle s'identifie maintenant le détective. Plus ancien, et où on pointe peut-être un peu plus les premières influences iconographiques de Malais, du côté de Feuillade plutôt, ou de Fantomas par exemple, donc la réédition ici en bouquin Lafond, 3 tomes, là aussi reprise d'une couverture un peu plus d'époque. Quelques couvertures juste pour le plaisir de voir le Révolution et l'évolution dans le style. Nestor Burma dans l'île. Tout de suite un peu plus James Bond. Hein. Là, justement, on disait qu'on n'y était pas. Mais alors, Johnny Metal, un grand moment, puisque en fait, en 1941, un an avant 120 rue de la Gare, Léo Malais allait s'essayer à quelques pastiches américains. Il n'a jamais mis les pieds aux États-Unis. Et en se basant sur quelques romans américains, notamment en signant Frank Harding, ce premier volume, Johnny Metal. Il dit qu'il ne s'est rendu compte qu'après que Metal était l'anagramme de Malais. C'est possible. Premier roman, la couverture est franchement meilleure que le bouquin. Ça sent encore l'exercice un peu laborieux, un peu naïf. On a l'impression qu'il n'y croit pas tout à fait, qu'il fait ses gammes, qu'il se fait la main. Et en même temps, en une année, 5 ou 6 romans faussement américains vont probablement lui donner le goût de se mettre à un travail un petit peu plus senti, un petit peu plus sérieux, qu'il appliquera évidemment à un personnage mieux construit et à une ville qu'il connaît mieux, Paris. Ici, la toute première couverture, j'ai la deuxième édition. Nestor Burma et le monstre, qui n'a pas l'air si monstrueux que ça. Une trilogie noire, parce qu'il y a aussi un versant plus sombre, hérité du surréaliste et de ces années vraiment de vaches enragées, qui vaudra un autre prix de noirceur à Léo Malais, avec notamment La vie est dégueulasse. Énigme aux folies bergères, encore une couverture sympathique, bariolée, qui rappelle aussi le collage surréaliste, qui nous montre aussi avec le S au bout de bergère, alors que c'est étrange, mais c'est comme ça, il n'en faut pas. Qu'on n'était pas toujours regardant sur l'orthographe des couvertures, même à l'époque. Voilà ce que c'est devenu, on dirait des SAS. C'est quand même assez étonnant, il y a eu toute cette veine autour de 1970, d'illustration de... Eh oui, ce sont les nouveaux mystères de Paris. On reconnaît à peine Paris, alors que tout de suite, quand on voit les couvertures d'époque, Brouillard au pont de Tolbiac, effectivement, on sent la brume, on sent le brouillard, on sent Paris, on est dans l'ambiance, on vient de voir... 8 couvertures, j'en défie beaucoup parmi vous de pouvoir citer 2 titres qu'on a vus. Je crois qu'on a tous regardé les gonzesses, en gros. Et effectivement, il y a quelque chose d'un peu trompeur, de l'ordre d'un effet de mode, et peut-être de l'ordre d'une exagération de l'érotisme contenu chez Nestor Burma. On en reparlera, mais il ne faut pas pousser, ça ressemble un peu plus à des couvertures de SAS. On n'est pas là-dedans avec Burma. Celle-ci est à mi-chemin des deux, et elle est vraiment bien. Noir et blanc, contrasté, on est proche du fil noir, le pont hier, enfin toute une série de... C'est une des images, pas un Burma directement, il y a un texte de lui à l'intérieur, mais une des images qui représente le mieux son univers. Les derniers mystères de Paris, on reparlera de Frédéric Dard tout à l'heure, je ne connais pas ce bouquin, mais je crois qu'il y a un clin d'œil explicite au nouveau mystère de Paris de Burma. Et évidemment, dans les nouveaux mystères, cette référence à Eugène Sue, les mystères de Paris, aussi en feuilleton au XIXe, et grand modèle du roman populaire. Parmi les autobiographies les plus intéressantes, Les Cahiers du silence, paru en 1974, un incunable, et La vache enragée, je l'ai malheureusement sans la jaquette, mais la voilà, avec un beau portrait de Mallet qui revient sur toute sa vie et qui est un mélange intéressant. C'est à la fois très agréable, mais aussi un petit peu compliqué de faire l'exégèse de Mallet après lui, parce qu'il l'a fait lui-même très bien. On reviendra par la suite sur ses débuts. Une riche affaire qu'il m'avait apportée là, Ferrand. Une affaire où je n'avais collectionné que des misères, et maintenant, les flics s'apprêtaient à m'en faire d'autres. Dernier mot des rats de Montsou. Dernier mot du soleil né derrière le Louvre. La mémoire de l'arpent supporterait le poids de ses crimes. Celle de l'élégant mannequin de la place Vendôme serait sauvegardée. On pleurerait la splendide créature dont un criminel international avait, dans le décor doré d'une chambre de palace percée de projectiles, le corps adorable. Mais on ne dirait pas ce que je savais, qu'elle avait protégé de ce corps adorable, parfumé, chaud et tendre, celui d'un détective besogneux, toujours fauché et sentant la pipe. Lui donc. Mais peut-être étais-je comme elle, moi aussi. Je m'imaginais, je me sentais fatigué, brisé. Elle agonisait dans la pièce voisine. Quelqu'un me toucha l'épaule, je me retournai sur l'infirmière. Je ne dis rien, la femme en blanc ne dit rien non plus. Elle avait des yeux, il suffisait. Je me détournai, avançai sur le balcon et regardai poindre l'aube dans le ciel de Paris. Le soleil naissait derrière le Louvre. Bon. Voilà, on va laisser passer. Simple exemple. Dernière ligne de deux livres, Les emmerdes des flics, la bien-aimée qui meurt presque dans ses bras de l'autre. On n'est pas dans le happy end. Ça résume en quelques mots la destinée de Burma aussi à travers ses 34 enquêtes. Bien qu'à chacune d'elles il honore sa devise et mette le mystère chaos, ça laisse rarement dans la gorge un goût de franc triomphe. S'y mêle toujours amertume et mélancolie, et aussi quelques regrets pour les pots cassés et les belles âmes perdues en chemin. De sa première apparition en 42, 120 rue de la Gare, donc on l'a vu, à la dernière en 1971, Nestor Burma contre la poupée, et oui, on sent qu'il est temps que ça s'arrête, le détective de choc a le don de se laisser entraîner dans des affaires foireuses. Il encaisse moins de salaires ou de dividendes que de coups et de nions, et au passage, toujours quelques déceptions. Tantôt le client s'avère une crapule, à tout le moins finalement moins sympa que le coupable. Tantôt il se fait descendre avant que Burma ait pu lui livrer la vérité sur un plateau. Et puis, il y a les peines de cœur qui savent si bien frapper les cyniques à cuirasse molle. L'agence Fiat Lux occupe rue des Petits Champs, près de la rue Sainte-Anne, des bureaux au troisième étage, au-dessus des productions de films, justement, productions de films Grimaud. Mais aussi, ça Burma ne le dit pas dans ses romans, au-dessus d'un kiosque à journaux que Léo Mallet lui-même a tenu avant la guerre. L'agence émigrera de là en 68 à partir de drôles d'épreuves pour Burma, pour la rue de Mogador, chassé par de vilains promoteurs démolisseurs. Burma déteste et Léo Mallet est les vilains promoteurs démolisseurs. Petite étincelle sauvée du massacre à l'heure où je vous parle, en tout cas il y a encore 15 jours, le petit kiosque à journaux, lui, existe toujours. Le bureau de Fiat Lux a pour principal mobilier un téléphone, auquel Burma n'aime répondre que contraint et forcé, ou contraint et fauché, et une machine à écrire qui cliquette avec frénésie sous les doigts d'Hélène Châtelain, la secrétaire, mais aussi la complice, juste pour faire croire que ça turbine à fond et que les affaires vont bon train. Hélène, elle est l'unique personnel permanent chez Fiat Lux, le renfort ponctuel, vient de Roger Zavater et d'un manchot, un ami presque reboule les saisons où les Maccabées tombent drus. Ajoutons Marc Covey, journaliste éponge au crépuscule, yeux rouges, nez rouge, souvent imbibé d'alcool tout autant que de scoop. Et puis de l'autre côté, la loi, auxiliaire précieux ou gêneur fâcheux en la personne bourrue du commissaire Florimond Farou. Voilà la clique à Nestor, l'équipe de choc qui affrontera donc de 1954 à 59, 5 ans. Les nouveaux mystères de Paris, les meilleurs, selon moi, selon beaucoup, et probablement la meilleure période de Burma, à raison d'un crime au minimum, mais souvent plusieurs, par arrondissement. 15 romans en 5 ans. Manque donc quelques arrondissements et Mallet tentera plusieurs fois d'arrondir le chiffre, mais en vain, probablement l'état de grâce était-il passé. M'as-tu vu en cadavre, page 83. Avec des gestes arrondis de loufia blanchi sous le rondin, le garçon du globe remplit une nouvelle fois nos verres. La nuit tombait. C'était l'heure apéritive et la sortie des spectacles. À travers les vastes glaces, à la mesure de l'immense café brillamment illuminé, on devinait l'animation du boulevard de Strasbourg, avec son flot ininterrompu de voitures. Quand s'ouvrait le tambour d'entrée, la rumeur de l'extérieur se mêlait avec un peu d'air frais au bourdonnement des conversations tenues dans le café par la nombreuse clientèle. Une douce tiédeur régnait, une bonne odeur composite de tabac, de parfum et d'apéritifs flattait les narines. Assise à ma droite, sur la banquette de Moleskine, songeuse et la tête penchée, Hélène, qui venait de me raconter son après-midi, remuait du bout d'une allumette noircie le culot de pipe abandonné au fond du cendrier. Je lui mis la main sur la nuque et la lui caressais, en remontant jusqu'à rebrousser ses cheveux doux au toucher. « Mon amour chéri de lotus pensif, » dis-je. Il la drague pas vraiment, il se moque un peu. C'est une allusion à une aventure chinoise qu'elle a eue dans l'après-midi. Il y a un peu toute l'ambiance, hein. On se réfugie de la brume et de la noirceur extérieure dans la tiédeur du bistrot, un côté repli sur soi, avec la vieille odeur de patine, de pipe, de Moleskine, qui sont les endroits, les points de chute, dans tous les sens du terme, de Burma. Voué à une dèche tenace, à des costumes fripés par les coups de baston réguliers, Burma fume sa pipe à cornes de taureau. Il fume dans sa pipe à cornes de taureau un tabac souvent acheté à crédit. Burma touille la clé des énigmes dans des apéros trop nombreux pour n'être que d'honnêtes remontants pour les maux de crâne de la veille. Solitaire dans la foule, il se console souvent en faisant à sa secrétaire un rentre-dedans platonique et de bon aloi, à défaut d'être toujours de très bon goût, comme ici. Mais ses passions pour les belles gitanes ou les jolies femmes enfants semblent toujours condamnées à l'avance. La séduction, l'érotisme où baignent ses enquêtes, quand ils valent la peine, sont souvent marqués du sceau du tragique, on l'a vu, et quand ils ne la valent pas, la peine, de celui du sarcasme ou de la dérision. D'ailleurs, Burma ne s'épargne pas lui-même, il concède sans modestie ses erreurs de jugement ou d'appréciation, ses illuminations qui vont droit dans le mur. Il relate avec complaisance les bastonnades, deux ou trois par enquête, tarif minimum, dont il sort rarement vainqueur. Mais même fauché, malmené, Burma reste sympa, voire drôle, sauvé par sa décontraction son sens de l'humain autant que de l'humour. Il ne se prend pas pour un cow-boy ni pour un justicier. Je le cite, « La société est assez grande pour se débrouiller toute seule », dit-il dans Burma contre CQFD. « Je me bagarre pas pour elle, mais pour moi, et de mon seul point de vue personnel. » Ailleurs, dans Micmac Moche au Boulmiche, se pointe mieux encore ce mélange de position bien résolue et d'anarchisme chèvre-choutiste. Je ne suis pas un pourvoyeur de bourreaux. Il le dit plusieurs fois, la même phrase dans ses romans. Je ne suis pas un pourvoyeur de bureaux. De bourreaux. À une époque quand même où la guillotine tourne encore en France. Vous êtes un salaud, mais vous êtes comme tout un chacun, ni entièrement bon, ni entièrement mauvais. Ni blanc, ni noir, en somme, un peu gris, comme le climat souvent et comme la ville. Le Paris de Burma flanque souvent le Bourdon. Un Paris sombre ou grisâtre, au mieux beige sale, peuplé de misère, d'âmes trop seules et de métaux rouillés. Un Paris de terrain vague, de ruelles et de soupentes, d'égouts et de dégoûts. Un Paris qui ne sent pas toujours bon. On vole, on tue, on pourchasse, sans quoi, me direz-vous, pas de mystère, pas d'enquête. On fait l'amour aussi ou on souffre de ne pas le faire. Les éclairs et les éclats du désir, même naïfs, presque enfantins, sont souvent les seuls soleils qui éclairent un coin de ce sombre quotidien, la seule chaleur plus rassurante que celle du bistrot, ou d'amitié souvent duplice. M'as-tu vu en cadavre, 146-147. J'avais laissé ma bagnole au garage et je pouvais me livrer aux joies saines du footing. J'aime ça, moi, bagnauder dans Paris. Par la rue des Récollets, j'atteignis la gare de l'Est. À la voir, assez élégante au fond de sa vaste cour, on ne dirait pas que c'est la gare du cafard, des spécialités macabres. D'abord les départs, souvent sans retour pour le casse-pipe. Ensuite, les mâles cercueils. C'est ici que Madame Bessarabot fit enregistrer pour Nancy le cadavre de son mari, bagage non accompagné. Là encore, qu'en 48, un homme en gris qu'on n'a jamais retrouvé déposa à la consigne une cantine d'officiers, toujours la guerre, contenant le corps décapité d'une femme restée inconnue. Nichols, qu'il poursuit, y était peut-être, dûment empaqueté, en instance de départ pour sa fameuse tournée. Je n'y allais pas voir, j'achetais les dernières éditions du France Soir, Paris Presse, du Crépuscule, au crieur installé sur le terre-plein, à côté du kiosque de la RATP, et m'en fus les lire au bistrot. Souvent, et on le voit ici, se mêlent aux enquêtes de Burma des références précises à des faits divers et des enquêtes sur l'actualité menées par Léo Mallet lui-même. C'est aussi très différemment de Simenon ou d'Hergé, par exemple, mais quelqu'un qui se documentait énormément et qui puisait dans une espèce d'imprégnation de l'actualité et de faits divers réels l'inspiration pour ses romans. S'ajoute, dans les Burmas, une touche d'irréel qui leur est propre. Les traces d'un instinct poétique, de références culturelles, d'une connaissance profonde des rapports affectifs, assez remarquable pour sortir du cadre du polar classique. C'est là, probablement, ce qui fait sa particularité et qui pourrait s'expliquer, selon Francis Lacassin, par l'identification justement entre auteur et personnage, par le binôme Burma-Mallet. Dans les Cahiers du silence en 1974, Mallet explique ainsi la genèse de Burma, ce qu'il me fallait, je vais mettre quand même son joli visage, ce qu'il me fallait, donc il cherche son personnage, c'était quelqu'un dans mon genre, libre, indépendant, anarchisant, sinon anarchiste, et puis fauché. Un flic privé un peu spécial, aussi pourrais-je reprendre en la paraphrasant la devise des Rohan, Lupin ne puis, Maigret ne daigne, Burma suit. Donc la devise des Rohan, famille de Bretagne, c'était « Roi ne suit, duc ne daigne, Rohan suit », si je me souviens bien. Quelques images de son parcours biographique. Il dessine, il écrit très rapidement, dès l'âge de 9-10 ans. On reviendra peut-être par la foulée, dans la foulée sur sa petite enfance, mais ce n'est pas vraiment l'objet de ma communication. Déjà des romans illustrés, et le côté graphique ne le quittera jamais. Il nourrira beaucoup d'adaptations, beaucoup d'images et d'imaginaires, mais c'est aussi quelqu'un qui s'en est toujours nourri et qui a souvent accompagné de dessins, par exemple, ses textes, même quand il a, comme ici, 9-10 ans, petite épopée, petite aventure, vaguement inspirée de chevalerie, par exemple. Du temps où il était chansonnier, il a chanté très peu, mais surtout écrit des paroles. Il y a des poires chez nous, un peu vachard, les bonnes poires sont celles qui se laissent plumer par le gouvernement et qui concèdent de payer trop d'impôts. Donc un petit peu populiste aussi. Beau portrait en jeune homme de Léo Mallet, l'époque chansonnier à Montmartre, justement, il a 20-21 ans, une pipe qui ne le quittera plus, et un petit chapeau qui fait peut-être un peu cow-boy, justement, malgré tout. Là, il est un peu plus jeune. Journal de l'homme aux sandales, un des journaux auxquels collaborera Burma. Réédition aussi avec Tardy par la suite de quelques-unes de ses chansons, réinterprétées sous forme de 33 tours. Je ne sais pas si c'est paru en CD. Pour un doigt, la mâchoire et autres poèmes surréalistes. Année 30, on est avant qu'il se lance dans le roman. D'abord le faux roman américain, puis le vrai roman à la française et surtout à la parisienne. Mallet, la pipe au bec, posant devant les arrondissements qui l'ont rendu célèbre. Encore un dessin de Léo Mallet, publié en 1961. Très simple, très sobre dans le trait, mais je trouve très juste et contenant beaucoup d'atmosphère et un rapport fort aussi qu'on trouve dans ses bouquins entre le personnage et... On a l'impression qu'en quelques traits, ils sont inséparables l'un de l'autre, le personnage et le décor. Ah, et puis Paulette, n'en disons pas plus. Il est assez secret là-dessus, il en dit peu de choses, mais de très belles, et qu'elle est peut-être en partie l'inspiratrice du personnage d'Hélène, évidemment. Poèmes, beaucoup d'images de femmes, parfois découpées dans des magazines, mais parfois des magazines un peu olé-olé chez Burma. Il fera des collages, il tapera des textes aussi sur des photos, toujours période... un peu vachard et surréaliste. Collage à gauche de Léo Mallet. En bas à droite, une revue surréaliste tchèque dans laquelle Mallet publiera également un petit texte. Boulevard Haussmann, il consacre dans La Vache enragée une page par arrondissement à des coupures de presse, à des photos, à des extraits, à des objets trouvés, des petites choses qui vont nourrir les enquêtes de Burma, et chaque fois, par arrondissement, une série de faits divers et d'articles de journaux inspirent directement l'univers de Burma. Ne pas voir plus loin que le bout de son sexe, c'était encore pudique, hein, le X, on s'imagine qu'on se le figurait encore plus explicitement maintenant, mais cet érotisme et ce fétichisme de la jambe et du barésie qui ne quittera ni Mallet ni Burma, de nouveau période surréaliste, là j'anticipe un peu. Il y a entre Mallet et Burma plus qu'une attitude commune face à la vie. Échange d'idées et de dispositions, de goûts et d'admiration, et surtout beaucoup de traits autobiographiques à peine déguisés. Date de naissance commune, et finalement elle revient à de nombreuses reprises dans les romans, c'était un secret de Polichinelle, plus qu'un poteau rose que je vous dévoilais tout à l'heure. Mais aussi naissance au même endroit, faubourg de Celle-Neuve à Montpellier, mêmes études à l'école supérieure Michelet, montée à 17 ans à Paris, fréquentation des milieux anards autour du foyer végétalien, c'était pas encore à la mode, rue de Tolbiac. Burma, comme Mallet, sera coffré un temps pour vagabondage à la Petite Roquette, connaîtra l'entourage de Trotsky, le Stalag, les fugues, les bourlingues. Burma sera même témoin fictif pour des mariages entre clochards célibataires et belles étrangères désireuses d'obtenir la nationalité française, un des rares métiers louches qu'en revanche Léo Mallet se sera abstenu de pratiquer. Dans Les rats de Montsouris, un criminel fou indique de fausses pistes d'un magot caché dans un buste féminin apparenté à celui d'une sirène. Et il indique ses pistes dans des poèmes sibyllins. Pour la beauté du buste, les dents des huîtres, la bave d'or des escargots, les seins mangés, dévorés, digérés, ô mon cadavre de la plage, etc. Dans des passages comme ceux-là, dans Casse-pipe à la nation aussi, mais que je n'aurai pas le temps de vous lire à mon avis, malheureusement, on sent que Mallet renoue avec sa veine surréaliste, un peu plus morbide aussi, un peu plus brute, voire brutale, de la première époque. Parmi d'autres, cet exemple montre qu'il a joué dans l'histoire du roman policier un rôle plus important que celui qu'on lui attribue souvent. On reconnaît volontiers à Léo Mallet d'avoir francisé le roman noir, quelque temps avant qu'il ne s'incarne massivement dans la fameuse série noire. Mais Burma, qui n'a d'ailleurs que de vagues ressemblances avec ses confrères à Merloc, au gosier, à la gâchette et à la braguette facile, Burma a sûrement fait plus qu'adapter le privé américain à l'expert français. Il a, comme dit Lacassin, et là on touche vraiment au mérite qui revient en propre à Léo Mallet, Burma, à travers les Burmas, Mallet a prolongé l'univers poétique du surréalisme par celui réaliste du roman criminel. Et sa verve éclate le mieux dans deux registres, à mon avis, le sens de la répartie, qui émaille les nombreux dialogues, notamment avec le commissaire Farou, ça tourne souvent à la joute verbale très jouissive, et parfois certaines énumérations où on retrouve la fièvre du cadavre exquis, de l'association libre de mots, le tourniquet des collisions, la joie des sonorités. Petite description, je m'y mets quand même, de la foire du trône dans Casse-pipe à la nation, et qui est assez savoureuse et vertigineuse à la fois. Pardon. Lutteur, tir, berlingot, loterie. Faites vos jeux. La roue part, c'est le 15. Le 15 emporte 5 kilos de sucre. Voyance, ligne de la main. Horoscope de l'amour, balançoire. Le nain à deux têtes et l'homme à toutes mains. L'enfant colosse, 20 ans, 200 kilos, 2 mètres de tour de taille. Emma et ses serpents, Ève et ses filles, pour adultes seulement. Musée du Puitrin, curiosité médicale. Quelque part, on écrase les pieds de Gilles Berbécaud car il barille plus fort qu'à l'accoutumée. On lutte, on lutte, on lutte. À ma droite, aimable de la calmette, champion toute catégorie, et les autres. À ma gauche, Kit Batignol, la gloire australienne, comme son nom l'indique. Gréco-romaine, catch, pancras, bataille de rue, bigorne à tout casser, à la demande. Défi à la foule, défi aux athlètes, de l'estrade, défi à la femme qui roule le tambour. On lutte, on lutte, on lutte. Le gant est jeté, En pleine pêche, d'un qui n'est pas dans le coup, Kid Batignolles contre X, l'amateur professionnel qui baronne depuis 10 ans, par ici, messieurs, dames, pour un combat sensationnel. Du sport, toujours du sport. Allô, allô, la fête continue, cris d'animaux, hurlements, mirlitons, rires, pleurs, barba papa. Chic lyonnaise, baptême de cochon, claquement sec, des carabines, des pistolets, essayez votre adresse. Tentez votre chance, œuf sur jet d'eau, œuf goguenard et danseur, Serge Liffard du casse-pipe, pipe en plâtre qui dégringole. 100 balles, les 5 balles en chiffon, 5 balles, pyramide de vieilles boîtes de conserve qui s'écroulent, et la roupare, rotor, labyrinthe, palais des glaces, boucle de la mort, moto pétaradante, train fantôme, squelette chatouilleur, vieille femme bouffée au mythe tenant le micro comme un crachoir. Le spectacle s'adresse aux adultes éclairés, aux amateurs du beau sexe, aux épris d'art et de nature, à tous ceux qui, en un mot, savent apprécier la fraîcheur et l'éclat de la jeunesse. Pour 100 francs seulement, 100 francs, pas davantage. Mademoiselle Coralie et ses sœurs, ici présentes, et un pick-up couvre la voie de la mégère. Mademoiselle Coralie vient sur le devant de l'estrade, se trémousse à contre-temps de la musique. Par la fente latérale de la robe qui colle à la peau, une jambe s'offre jusqu'à la cuisse, provoquant des cris de panthère. Mademoiselle Coralie et ses sœurs, des beautés fatales comme on n'en voit plus, vont composer pour le plaisir, la joie et la délectation de vos yeux, à l'intérieur de l'établissement, des tableaux vivants susceptibles de ranimer un mort. Femme à barbe, animaux savants, et sa roule et sa tangue, grand rouge, scénic railway, autotamponneuse, avion en réaction, chevaux de bois, gueule, idem, chenille, monstre du Loch Ness. Par ici, lutteur tire berlingot loterie. Viens au creux de mon épaule, brin d'amour, bambino, et la fête continue, et ça roule et ça tangue. Je plonge dans la foule qui en bas s'est ramassée, crie, hurle, gesticule. Je grimpe au sommet d'une vague, je redescends dans le fracas du chariot cahotant sur son rail. Wagonnet de la grande roue, multicolorement éclairé, avion en réaction, rouge, vert, jaune, le ciel, les arbres de la nation que je domine. Là-bas, Philippe Auguste et Saint-Louis sur leurs colonnes, l'homme de Bornéo, le sauvage, et je descends et je monte, je m'abîme, je me redresse. La brise nocturne, le vent de la vitesse, fouette le visage sur ma nuque, le souffle de l'homme qui m'enlace, le hurlement tragique de la foule, le moutonnement de la foule et la houle, toutes les attractions, de plus en plus fort, comme chez Nicolet, sensationnel intermède. Je me dégage, un coup sur le crâne, un autre coup, et ça roule, et ça tangue, criez, criez, criez. Je m'écroule, tout valse et tourne autour de moi, les arbres, les immeubles de 5 étages, l'armature métallique enchevêtrée du grand 8, je heurte les parois de l'entonnoir gigantesque, maelstromique. Et puis ça ralentit, ralentit, ralentit. Peut-être comme lorsqu'on meurt, ça ralentit. Je suis moins bousculé, ballotté, secoué, heurté, chaoté. Je glisse au sein d'une brume cotonneuse, sur un dernier et brusque spasme stomacal, et puis plus rien. Voilà, j'ai essayé. Je vous ai épargné la page et demie du milieu. Ce que je trouve fabuleux dans cette description un peu vertigineuse, c'est la façon dont il passe d'une énumération, d'une description, d'une espèce de logorée à un mode de récit, récit un peu abrupt, où on se rend compte, mais pas tout de suite, que c'est la foire, où il est de nouveau en train de s'en prendre plein la tronche. Et effectivement, il y a un mélange des deux, et puis il revient sur ces événements et il dénoue un petit peu le... Mais c'est un très, très beau passage, mais voilà, j'ai dû aller un peu vite et sabrer une partie malheureusement. Le polar français a son baobab, a incontournable, son arbre à grands ancêtres, Gaboriau, Gaston Leroux, Maurice Leblanc, jusqu'à Montaillier, ex-Braya, contemporain de Mallet, Pierre Magnan, mais peu d'entre eux, souligne par exemple Roger Rabigneau dans sa préface à Brouillard au pont de Tolbiac, bien peu parviennent à créer un univers qui leur soit propre, et au milieu de cet univers, un héros olympien, Deus ex machina, un policier meneur de jeu qui est la réalité d'un homme proche du lecteur et la dimension d'un mythe à la fois. Aussitôt, peut-être, 3 noms viennent à l'esprit, Simenon, Frédéric Dard, à travers San Antonio, et, quelque part au milieu, peut-être, Léo Mallet. Simenon, qui, je cite, « tout en écrivant encore un peu plus mal que Balzac, est un des plus grands écrivains du XXe siècle », je cite toujours Rabigneau, avec un peu de délectation, Simenon sûrement échappe au roman policier. À l'évidence, San Antonio aussi, mais autrement, par le dialogue outré, complice, incessant avec le lecteur, par la trituration, la fécondation du langage, jusqu'à l'ivresse, jusqu'à l'indigestion, par un lyrisme chaleureux, débridé, qui fait de San Antonio un personnage à part dans la littérature policière, mais aussi la littérature tout court. Et en plus, tout court, faire tout court, c'est pas le fort de Frédéric Dard. Il y a du San Antonio, d'ailleurs, dans l'espèce de rythme frénétique, je trouve, qu'on a dans Casse-pipe à la Nation, ici. Mallet est moins excentrique, plus proche des grands Américains racés, plus à l'aise aussi dans le carcan d'une littérature de genre. Il se rattacherait à Simenon par son goût des paysages urbains tracés au pastel sombre ou barbouillés au fusain, par son souci des atmosphères, des correspondances entre l'homme et le décor, une certaine forme aussi d'empathie ou de pitié, et enfin par son goût pour l'érotisme, plus souvent insidieux que rayonnant. Mais Burma annonce aussi San Antonio, par sa gouaille, son irrévérence débraillée, la volupté de l'argot, et aussi une certaine vulgarité. Une tendresse, dit toujours Rabigno, une tendresse fleur de lilas sur un air d'accordéon. Même si Burma, ajoute Rabigno, même si Burma à tous égards pèse moins lourd que Maigret et déplace moins d'air que San Antonio. Par ailleurs, paysages, personnages, allusions historiques, inspirations de faits divers, idées, tics, réflexes, tout dans les nouveaux mystères de Paris renvoie au Paris en fait des années d'entre-deux-guerres et non pas aux années 50 où ils ont été écrits. Y compris l'argot qui est un petit peu daté, polop, branque, nippé, chichi, pilon, gorgeon, tiens ça rime avec violon et jambon, Gainsbourg n'est déjà plus très loin tout de même, période Saint-Germain-des-Prés. J'en viens à la dernière partie de mon exposé, puis explore, mais un peu rapidement malheureusement, les relations entre Burma et les adaptations au cinéma, ou entre Malais et le cinéma. Claude Gauter, dans cette revue Images et Sons, qui date de 1979, dit à propos des rapports entre Nestor Burma et le cinéma qu'il s'agit d'un rendez-vous manqué. C'est un peu exagéré, mais il est vrai que les références cinématographiques et la culture en la matière de Malais, tout à fait palpable dans ses romans, l'épaisseur de ses personnages, la subtilité de ses intrigues, laissaient espérer de meilleures choses à l'écran. L'univers mystérieux de Louis Feuillade, ou encore d'Arsène Lupin, on en parlait tout à l'heure, mais Feuillade, capté peut-être par Carnet, dialogué peut-être par Prévert, serait certes celui qui semblerait le plus proche des ambiances où évolue Burma dans les nouveaux mystères comme dans ses enquêtes hors de Paris. Mais on sait aussi Malais marqué par l'Atlantide de Feder, par la fantaisie de Méliès, les plongées urbaines inquiétantes de Murnau ou de Fritz Lang, et évidemment les feuilletons de Feuillade. Malais, d'ailleurs, plus tard devait apprécier davantage la série télé interprétée par Guy Marchand que les premières adaptations au cinéma. Mais il relativise l'échec de ces adaptations. Il prête d'ailleurs souvent son concours à celle-ci, fait même un peu de figuration sympatoche, fout la paix aux farfelus qui ont cherché à interpréter ou à redessiner Burma davantage qu'à l'adapter. Est-il d'ailleurs adaptable? Les Burma avec Guy Marchand, c'est pas mal, mais en même temps c'est autre chose. Tentative d'interprétation de Nestor Burma par Léo Malais lui-même, lors des répétitions de 120 rue de la Gare, si je me souviens bien, la première des adaptations en 1946 de Daniel Normand, pas tout à fait crédible. Et à gauche, Sophie Desmarais, qui sera la première incarnation d'Hélène à l'écran. En haut, Quai des Brumes, de 1937, puis de nouveau, René Dévy et Sophie Desmarais dans 120 rue de la Gare. 59, Galabru interprète Burma aussi, La nuit de Saint-Germain-des-Prés. Pas tout à fait content, signé d'ailleurs d'un critique de cinéma dont on ne sait pas qu'il a réalisé quelques films, Jean Mitry, et qui est un des films qui auront quand même le plus frustré et fâché Léo Malais. Aucun réalisateur n'atteindra en tout cas le degré d'approbation qu'auront suscité chez le vieil anarchiste les adaptations réalisées en BD par Tardy, en qui Malais va reconnaître un fidèle lecteur, mais presque un alter ego, le complice dans une autre écriture du même langage. Quelques images du film probablement le plus loufoque et le plus déjanté, adapté des Nestor Burma, détective de choc, de Jean-Luc Miche en 81-82, avec Michel Serrault dans le rôle de Burma, mais un Serrault lui-même, un peu rock'n'roll, au propre comme au figuré, particulièrement déjanté, un peu trop pittoresque pour être vraiment fidèle à l'esprit tout de même plus subtil des romans de Malais, avec notamment Jane Birkin, avec aussi déjà Guy Marchand, qui joue un petit rôle secondaire, avec aussi Léo Mallet, qui vient de nouveau faire un peu de figuration sympathique en vendeur de journaux dans le film, mais qui sera quand même assez mécontent du film après coup. Voilà Léo Mallet et Hélène. Je vous laisse rester sur l'imaginaire que vous aviez peut-être pu nourrir avant. C'est pas un indispensable. Voilà, il nous aura un peu tout fait là. Voilà Guy Marchand dans les Nestor Burma, une quinzaine de scénarios originaux, tous les nouveaux mystères de Paris, quelques Burma hors des nouveaux mystères, et puis quelques-uns aussi d'après des scénarios originaux, et avec une série télé étalée sur 6 ou 7 saisons, mais en général d'excellentes factures, et qui sera, Léo Mallet mourra en cours de route, je crois que les derniers ne seront pas tournés, mais en gros, il sera témoin de quasi toutes les adaptations, et cette adaptation télévisuelle-là sera celle qui lui satisfait le plus, pas tellement dans la fidélité aux intrigues, mais en tout cas à l'esprit surtout du personnage en tant qu'incarnation de Nestor Burma. Guy Marchand est probablement le plus crédible. Et puis les adaptations de Tardy depuis 120 rue de la Gare. Voilà, je vous montre la façon dont il campe le personnage, peut-être un petit peu trop baroudeur et boxeur, un peu épais, le personnage de Burma. Parfois l'univers de Tardy, un rien plus sordide encore, un rien plus morbide que celui de Léo Mallet. Mais en même temps, voilà comme ici, on voit, enfin voilà, désolé, c'est un peu palichon chez vous, pour du roman noir, c'est du roman gris. Mais quand même, une adaptation fidèle, inspirée de une douzaine, si je me souviens bien, de romans sous la plume de Tardy. Quelques planches en couleur. La plupart des couvertures, des rééditions au Fleuve Noir, on l'a vu tout à l'heure. Et selon les éditions, voilà un Burma un peu à l'allemande, un peu plus rond, un peu plus massif, un peu plus imposant. En dessous, on le voit ici, c'est la version... Ma connaissance du danois et du suédois est à peu près nulle, mais ça a l'air d'être l'adaptation suédoise ou danoise des BD de Tardy. Je vous montre ces planches-là parce qu'elles sont un peu plus lisibles, un peu mieux reproduites. Mais on a l'impression que Burma ressemble presque au Bardamu, au roman de Céline, au personnage de Céline, adapté aussi par Tardy. Un peu plus triste encore. Avec Macorlan, Céline est d'ailleurs une des références littéraires les plus importantes chez Léo Mallet. On n'a pas le temps d'approfondir ça ici. Dernière image d'un Mallet un peu vieillissant, un peu solitaire, mais on ne voudrait pas se quitter sur une note trop tragique. En même temps que d'excellents romans policiers, les livres de Mallet sont des témoignages, et je termine assez rapidement, des témoignages d'une poignante vérité sur une époque dont nous nous éloignons à une vitesse supersonique, mais qui est pourtant encore à certains égards étroitement mêlée à la nôtre. Les critiques, plusieurs critiques, maint critiques, ont souvent bien pointé l'équivoque, l'anachronisme, où s'est longtemps, un peu malgré elle, et comme dans une ornière, où s'est longtemps empêtré l'œuvre de Léo Mallet, et surtout les nouveaux mystères de Paris. Ainsi, Mallet a longtemps pu sembler être l'imitateur de ce qu'il a pourtant contribué à faire naître, à faire émerger sous nos yeux. Quant à ce qui le distingue des grands Américains, son érotisme, son surréalisme, son anarchisme, ils sont à la fois démodés et en avance sur les modes littéraires. Burma appartient aux années 30 ou 70, probablement davantage qu'aux années 50, où pourtant il fut écrit. Cette position inconfortable d'écrivain semi-maudit, mais semi-maudit c'est déjà largement assez pour être entièrement fauché, ce que Léo Mallet a été pratiquement toute sa vie, allait heureusement se transformer au fil des rééditions en la reconnaissance d'un grand écrivain. Grand dans un genre certes mineur, mais c'est tant mieux. Le seul surréaliste, écrira Bignot, le seul surréaliste du roman policier, un des rares anarchistes en espadrille et pull-over usagé de la littérature française récente. Camarade Burma, ainsi commençait à l'entête d'une lettre mystérieuse, brouillard au pont de Tolbiac. Camarade Burma, oui. Et camarade Mallet, du haut de nos propres espadrilles en ce jour anniversaire. À notre tour, nous vous saluons très chaleureusement, autant dire un peu fraternellement. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.